Alors le jeune, on a bien dormi? Prêt pour le bahut? Pas trop relou ta mère ce matin? Écoute Coy, tous les matins, comme ça tu glanderas au fond de la classe avec le sourire. Et tu te diras qu'elle est vraiment trop de la balle cette émission qui déchire sa race. Allô? Ouais, bonjour. J'appelle parce que je suis guitariste, j'appelle pour l'annonce. Ouais. Voilà, bah je voulais savoir si comment ça se passe, que tu cherchais. On recherche un guitariste influence hardcore néo. J'ai été un peu influencé par des groupes classiques, hein, genre Lofofora, Sepultura. Enfin, j'avais été il y a quelques années, quoi. Ouais, donc, c'est cool. Donc voilà. Enfin, j'aime bien. Je trouve que ça me détend de jouer ça. Enfin, comme toi, je suppose. Hein. Tu joues quoi, toi? Moi, je suis à la basse. Ah ouais, comment on pourrait faire? Faudrait qu'on se rende compte, que je fasse une démo ou un truc comme ça, non? Ouais, voilà. Donc, en fait, le studio, il rouvre pas avant le 10 septembre, je crois, quelque chose comme ça. Moi, faut que je vienne avec ma guitare? Guitare et jack, et puis autrement, là-bas, il y a deux caissons. Ah, c'est bien. 50 ou 75 watts, je crois. Ouais. Donc là, déjà, parce que le 75 watts, c'est limite pour ce que je joue, parce que moi, je joue assez fort et violent, tu vois, donc 75 watts, c'est peut-être léger quand même. Ouais, nous aussi, donc... Ah, et tu joues fort aussi? J'arrache tout. Ah, mais ceci dit, attends, parce que j'ai la guitare là. J'ai la guitare, je peux te faire une démo. Ouais, vas-y. Ah, attends, je vais pousser le truc un peu fort. Bouge pas, hein. Non. Bouge pas, je vais te faire un truc genre Sepultura, faut que tu fasses un truc de trash, quoi. Ok, ça y est, j'ai trouvé. T'es prêt? Ouais, vas-y. Et va. Éloigne-toi du téléphone, hein, parce que ça va être un peu fort, hein. Ok. Voilà. C'est vrai que t'appelles fort. Ouais, je peux jouer plus fort. Attends. Yeah. Qu'est-ce t'en dis? Ouais, là, comme ça, je vois. Ça, ouais, ça, ouais, parce que j'ai pas l'ampli, j'ai tout, mais quand je pousse fort, tu ris, hein. Donc ça te branche? Faudrait se voir pour voir un peu si ça t'intéresse. Pour voir ce qu'on fait nous. Je vais te rappeler pour prendre les coordonnées et puis je passerai vous voir quand vous jouez. Autrement, ce qu'on peut faire, c'est se voir un jour sur Morpa. Ouais. Et donc, on ira chez le guitariste et il te montrera un peu. Il est sympa. Il est sympa. Ah, ouais. Il mord pas. Il est super sympa. Il mord pas. Non, c'est pas grave, c'est une vanne, c'est pas grave. Bon, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais te rappeler puis on suivra en quart là-bas. Ouais, ok. Ok? Ouais. Et bon courage en tout cas. Merci. Ciao. Bonne journée. Salut. Et puis attends, bouge pas. Voilà, une tuerie ça. À bientôt. Ouais, salut. Salut, bonne journée, ciao. Toi aussi.